L'actualité à Nancy et ailleurs. Le CCFD met le Paraguay à l'honneur en ce mois de mars avec plusieurs rendez-vous comme autant d'occasions de changer notre regard sur notre monde et notre quotidien à travers des témoignages et des expériences parfois vécues à plus de 10 000 km de notre bonne vieille France. On va parler de tout ça en compagnie d'Aurélie Laurent. Bonjour. Bonjour. Chargée de développement donc associatif pour oui, la région ça. Lorraine c'est ça. Au CCFD qu'on a déjà eu le plaisir d'accueillir. Alors pour une terre solidaire et vivante, c'est ça ? C'est ça. On va recevoir donc Ricardo Morinigo qui arrive du Paraguay et qui travaille pour une association qui s'appelle Tierra Viva. C'est un partenaire du CCFD. On accompagne cette association depuis une quinzaine d'années. L'association travaille pour promouvoir les droits des personnes indigènes et surtout en fait, leur permettre d'avoir la possibilité en fait, d'exprimer leur culture, d'où ils viennent, etc. Et il y a un gros travail aussi au niveau de tout ce qui est accaparement des terres. On imagine ça souvent en Amazonie, comme quoi la forêt se réduit. Oui. Donc au Paraguay, il y a aussi une partie de cette forêt amazonienne. En fait, l'État du Paraguay a vendu à un certain moment, et continue de le faire d'ailleurs, à des promoteurs pour pouvoir mettre du soja ou de l'élevage intensif, ou récupérer les terres pour récupérer le pétrole, ce genre de choses. Et en fait, il y a sur ces terres-là, des fois, il y a des tribus indigènes, plutôt dans la région du Chaco, qui est plutôt la région ouest du Paraguay. Ces tribus indigènes sont en fait virées de leurs terres parce qu'elles n'ont pas de propriété terrienne, parce que ce n'est pas forcément leur nature. La plupart des tribus indigènes, je dirais même en général d'Amérique latine, ont tendance à plutôt voir la forêt comme un lieu. Et en fait, ils sont là un peu comme de passage sur terre. Et donc, du coup, cette notion de propriété terrienne, ça ne va pas du tout dans leur façon de voir. Quoi. Voilà, ils n'imaginent pas, ouais. Alors que le gouvernement, lui, il imagine très bien parce qu'il y a de l'argent derrière, donc il ne se pose pas trop de questions. Voilà, c'est ça. En gros, Tierra Viva accompagne seulement 2% de la population paraguayenne. Mmh. Et ces 2%, en fait, ça représente les tribus indigènes. Donc en fait, c'est vrai que les indigènes sont vraiment très peu représentés parce que leurs tribus se sont rapetissies. Et donc du coup, en fait, finalement, s'il n'y avait pas des associations comme Tierra Viva pour essayer d'aider ces indigènes, en fait, ils n'existeraient plus à l'heure actuelle, quoi. Tierra Viva, c'est un exemple d'association que le CCFD accompagne parce que CCFD agit toujours en collaboration avec des associations locales. Hein. Voilà, c'est ça. En fait, le principe du CCFD, c'est de ne pas faire à la place d'eux, mais de se dire, on va laisser faire... En fait, il y a déjà des associations dans différents pays qui fonctionnent et donc on les accompagne principalement financièrement. Et donc, c'est aussi ce qu'on fait avec Tierra Viva. Et Ricardo Morinigo, donc, qui va venir en Lorraine, près de Nancy, à Toul, un peu partout en Lorraine, voilà. Pour venir témoigner un peu et raconter un peu ce qui se vit là-bas. Exactement, et puis avoir des échanges intéressants, enrichissants, et avoir aussi ce double regard en fait de quelqu'un qui vient du Paraguay, son regard que lui peut avoir sur la terre, et nous en France et en Lorraine en particulier, regard qu'on peut faire. Il est déjà venu en France ? Il n'est jamais venu en France, ce sera la première fois. Et il nous a dit qu'il était déjà venu une fois en Espagne, parce qu'il a de la famille en Espagne, donc voilà. Donc d'accord. C'est un peu une première fois aussi en découverte, quoi. Donc il sera en Lorraine du 18 au 30 mars, avec donc plusieurs temps de rencontres à différents lieux, différents endroits. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme temps fort à vivre ? Pour toutes les personnes de Meurthe-et-Moselle, on peut vous inviter à venir le samedi 25 mars à Toul, à 15h au niveau de la salle Rigny, à côté du cinéma du Citéa à Toul. Et là, en fait, ce sera une conférence en présence de Dominique Potier, qui est député en fait, du Toulois. Dominique Potier va parler de le rapport en fait, que les Français ont à la terre et ont aux agriculteurs en général. Et du coup, Ricardo va faire un peu un échange lui, par rapport à comment ils ont décidé en fait, d'investir sur des terres pour permettre à des indigènes de développer leur culture et du coup de se réapproprier un peu cette forêt qui n'est pas la leur, mais dans laquelle ils ont grandi et ils évoluent, quoi. Et on aura aussi la chance du coup d'accueillir Irineo. Irineo, c'est quelqu'un qui vient de Strasbourg, qui est un Paraguay et qui était un ancien salarié de Tierra Viva et maintenant qui habite en France. Donc on va pouvoir aussi avoir ce double regard de lui, finalement qu'est-ce qu'il a pu voir qui se passe au Paraguay, qu'est-ce qui se passe en France, et d'avoir un peu cette notion de qu'est-ce qui est mieux là ou pas là. Et voilà, parce qu'il y a aussi des belles choses qui se passent en France et c'est bien aussi de mettre des points dessus. Donc ça, ce sera à 15h le 25 mars, donc à côté du cinéma Citéa, rue de Rigny, salle paroissiale, donc pour cette table ronde. Mais plus proche de nous à Nancy, il va se passer aussi quelque chose, le même jour d'ailleurs. Le même jour, il va se passer aussi quelque chose à La Piscine. C'est un tiers-lieu associatif au niveau de Maxéville. Et là, on va avoir un temps à partir de 19h, un peu repas partagé en auberge espagnole. Chacun emmène quelque chose un peu à la bonne franquette. Et à partir de 20h15, on aura un témoignage de Ricardo par rapport à Tierra Viva et ce qu'il peut faire. C'est co-organisé avec le tiers-lieu associatif La Piscine. donc avec les petits débrouillards qui sont du coup basés là-bas. Et on va aussi accueillir une association qui s'appelle El So Latino. C'est une association qui prône la culture latino-américaine. Et donc on, voilà, on avait décidé de faire quelque chose un peu aussi avec du coup des personnes plutôt arrivant d'Amérique latine. Et du coup quelque chose pour ouvrir du coup avec le tiers-lieu la piscine. Donc ça, ça va être un chouette événement parce que ce sera, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce tiers-lieu, c'est l'occasion de venir. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est un tiers-lieu, venez aussi. Donc ça va être voilà, un temps assez sympa. Voilà, si on est du côté du Toulois, eh bien c'est à 15h pour cette table ronde avec Ricardo Morinigo et Dominique Potier. Et sinon, bah, sur Nancy, bien sûr, à 19h pour la piscine. Donc c'est du côté de Maxéville pour cette auberge espagnole, et puis ces rencontres est toujours très enrichissante. Le CCFD accueille régulièrement aussi des témoins comme ça, d'autres pays, d'autres continents. Oui, c'est ça. Chaque année, en fait, au mois de mars, il y a eu une décision qui a été faite il y a quelques années de se dire que chaque année, donc au mois de mars, chaque région de France va accueillir un partenaire différent. Donc, faut savoir que le CCFD a à peu près 500 partenaires dans le monde. Donc, pour toutes nos régions, ça va, on a encore de la marge avant de les voir tous. Et par exemple, l'année dernière, on avait accueilli des Thaïlandaises pour ceux qui étaient venus, Mon et Matana. Et du coup, cette année, c'est quelqu'un du Paraguay. Pour ces rendez-vous, est-ce qu'il faut s'inscrire ou est-ce qu'on peut y aller tranquillement, comme ça, directement? Oui, c'est toujours ouvert à tout le monde et vous êtes les bienvenus. Après, si vous voulez un peu plus d'infos, vous pourrez regarder sur Facebook, sur le CCFD Terre Solidaire Lorraine. On a créé un événement pour le soir du 25 mars. C'est juste un peu pour avoir une idée de combien de personnes on aura au niveau du repas, si on doit préparer plein de chaises ou pas. Mais si jamais vous ne vous inscrivez pas via Facebook, il n'y a aucun souci, vous pouvez venir aussi. Merci beaucoup Aurélie. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.